Bonjour, nous sommes à la radio des ados. Oui, et ici s'appelle comment le studio, Timothée ? Radio Game Ozo. Voilà, et bien merci Timothée pour cette belle annonce. C'est merci bien. Timothée. Bravo. Merci Timothée. Merci Timothée. Alors tout le monde est là aujourd'hui ? Oui. Tout le monde est en forme ? Oui. Oui. Ah, Timothée me montre ses muscles. En forme. Tu as des muscles ? Ouais, là. Oh, ah bah oui, je vois, oui, ça gonfle, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de la table, là, pour qu'on se présente ? Vas-y. Bonjour, je m'appelle Steven. Ah bah voilà. Bonjour, je m'appelle Christopher. Bonjour, je m'appelle Timothée. Voilà, Timothée qui a Bonjour, présenté. Bonjour, je m'appelle Juliana. Bonjour, je m'appelle Camille. Et en Bonjour, technique. Je m'appelle Nathan. Je suis avec Marion. Oui. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Alors Marc n'est pas là. Elle est en vacances. Elle passe des bonnes vacances. Un mois. On peut lui passer des bonnes vacances. On peut lui passer des bonnes vacances. Voilà, vous pouvez lui donner le bonjour. Bonnes vacances Marc. Bonnes vacances Marc. T'amuses pas trop à la plage. On te passe le bonjour. Alors Christopher dit t'amuses pas trop à la plage. Ouais, c'est la merde tout rouge. Est-ce que tu penses qu'il est à la plage ? Ah oui. Oui ? Toi, tu penses qu'il est parti à la plage ? Ah ouais. Okay. Bah, c'est bien. C'est bien. À la plage, j'en slip. On non, est en slip à la plage. Ah ouais, ça. Quoi qu'il y a de plus en plus de gens qui restent habillés, hein, Timothée ? Parce ouais. que le soleil n'est quand même pas très bon, hein. Pourquoi que c'est pas bon ? Pour la peau ? C'est des fous. Parce que t'es. Je sais pas. Bah, parce que tu peux attraper des coups de soleil. Hein. Oui, les coups de soleil, oui. Et puis en vieillissant, les cancers de la peau. Donc il faut se protéger, hein, même si vous allez au soleil. Beaucoup de crème, hein. Hein ? Des C'est tas. C'est quoi ça, Poupoupou ? La crème. De la crème. Des tas. Un pot de crème. Il faut oui, ou en tube. Hein, il y a des pots, il faut y a des tubes. Il faut user un pot de crème du frigo. Pourquoi la crème est dans le frigo ? Ah ouais, tu mets de la confiture sur ta... Non. Tu prends de la crème du frigo, toi, Juliana. Ah oui. La crème fraîche. Non, de la crème fraîche. Ah ouais, fais comme les pizzas. Partout. La crème qu'on met sur les pizzas. Oui. Fais ça. Hop. À la place, après. Ouais. Bon, alors, la dernière fois, la chanson mystère, c'était quoi ? Je sais pas. C'était Steven qui l'avait choisi. Tu te rappelles, Steven ? Oui. Ouais, c'était Jean Schultes. Et personne n'a appelé. Personne n'a trouvé. Ouais. Alors, cette semaine, il y en a une nouvelle. Qui c'est qui l'a choisie ? Moi, Juliana. C'est Juliana. Alors, on ne dit pas qui c'est. Elle est déjà passée à la radio. Hein. Donc, on va voir s'il y a des personnes qui connaissent. Donc, c'était la numéro 14. Et on a droit de dire aux gens d'appeler à quel numéro ? 03 29, 40, 40. Oui, il manque un numéro. 62. 40, 40. Voilà. Et bien, tous à vos téléphones. C'est parti. Toutes celles qui portent la frange à la quête mousse. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au coste, boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. Jeans, slim, tight, cold cuts. VIP à plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa. On me dit tu rentres pas, ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde asse au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent le dance floor comme des princesses. Ça m'énerve. Si t'as la placard, et ben tu verras leur pièce. Comme toi qui écoute beaucoup trop fort la musique. Moi je manque de voix, je la vis avec l'équipe. Ça m'énerve. Voilà la chanson mystère choisie par Juliana. Elle vous plaît celle-là en tout cas. Ouais. C'est ça m'énerve. Eh ben on ça verra m'énerve. Si quelqu'un appelle pendant l'émission. Juliana. C'est pour embêter Christopher, je l'ai pris. Fais gaffe, la prochaine fois, je mettrai une chanson de fille. Ah, c'était un message que tu passais à Christopher? Non. C'est ça? Ah, non. T'inquiète pas, une chanson que tu connaissais. Ça s'appelle de l'amour dans l'air. Mercredi prochain, fais gaffe. Ah, Steven, il dit ça s'appelle... De l'amour dans l'air. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis pas amoureux d'elle, moi. Moi non plus. Tu sais, l'amour, la haine, des fois, c'est non. Proche, hein, quand même. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, moi, je suis pas amoureuse d'elle, je deviens amoureuse. C'est pas vrai, j'aime bien cette chanson. Okay. Non, mais tu n'étais pas obligée de te coucher sous la table, Juliana. Mais c'est Camille. Ah, Juju, tu me fais pas, alors, s'il te plaît. Lundi. Juju. Voilà. Lundi, on a parlé de quoi? Premier sujet, parce que je vous ai demandé, hein, une fois de plus, avez-vous regardé les infos? Parce que c'est quand même important de savoir un peu ce qui se passe autour de vous et dans le monde aussi. Moi, j'ai regardé les infos, alors, lundi. Qui c'est qui m'a parlé? Oui, Timothée, vas-y. Mon papa, il regarde souvent les infos. Hein. Ah bah, ça c'est bien. Mais toi, est-ce que tu les regardes? Oui. Oui? Alors, qu'est-ce que tu peux en dire des infos? Est-ce que c'est important de regarder les infos? Bah oui. Oui, pourquoi? Tu peux laisser le fil. Bah, parce qu'il y a des terroristes, il y a parce qu'il y a des terroristes, alors c'est bien. Il y a quoi encore? L'ouragan. Non, s'il te plaît, c'est Timothée qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aux infos? Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a quoi encore? Un crash d'avion. Crash d'avion. Hein? Attendez, alors, est-ce que tu peux... Tout ça, quoi. Ouais. Alors, ton papa, il regarde les infos pour tout ça? Pour les terroristes, pour les morts, les crashs d'avion. Y a que ça d'intéressant dans les infos. Des fois, il y a des choses sympas quand même, non, dans les infos. Et aussi... Timothée. Qu'est-ce qui passe tous les jours aussi après les infos? La météo. La météo. Ouais, bien, Juliana. Non, c'est bien, ton papa il regarde les infos, mais ce serait bien aussi que toi, tu regardes les infos avec papa. Comme ça, quand on... La météo, ils annoncent du beau, mais... Mais demain, il fera de l'orage. Il fera de l'orage. Et demain aussi. Ben, je crois déjà cet après-midi, il y aura de l'orage. Hein. Les violons, apparemment. Oh. Alerte orange, après-midi, fin d'après-midi. Voilà. Alerte orange. À quelle heure? Il y avait un homme, il a sauvé un enfant de son balcon. Voilà, c'est le sujet qui est sorti lundi. Qui c'est qui a parlé de ça? Moi. Moi. Alors, ben, Juliana, tu vas nous en parler. En fait, il y a un homme, il a sauvé un petit garçon de son balcon. Oui. Il avait 4 ans, l'enfant. Mmh. Son papa, il l'avait enfermé à clé, il l'avait laissé tout seul. Mais alors, déjà, est-ce que c'est normal de laisser un enfant tout seul? Et c'est bien alors qu'elle l'a sauvé. Oui, mais est-ce que c'est bien de laisser un enfant tout seul à la maison? Non. Non. Voilà. Alors que c'est un terroriste ou quelque chose comme ça, il peut vite le prendre. Oui, attends. On a le droit de laisser... Tu peux te rapprocher du micro, Nathan? On a le droit de laisser un enfant seul, mais pas un enfant de 4 ans. Soit un enfant de 13 ans, soit un enfant de 16 ans. Ah, il y a un âge. Oui. Corinne. Soit 15 ans, soit 14 ans. Qui c'est qui t'a dit ça, Nathan? Personne, parce que je le sais. Ah, c'est toi qui as décidé que Corinne. C'était l'âge-là. Oui. Et puis si l'enfant ouvrait la porte à quelqu'un qu'on a connu, il pouvait le prendre. Ah, bah oui, c'est sûr que l'enfant, il aurait pu ouvrir la porte à quelqu'un et puis... Le prendre. Il serait fait enlever, tu crois? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait Mamadou. Mamadou. Mamadou. Mamadou. Ah, attendez, attendez. Je crois que Marion a une autre info. C'est Mamadou. Mamadou. Ça? Oui, Mamadou. Mamadou. Alors, vous m'avez dit que vous l'aviez vu à la télévision. Oui, moi, je l'ai vu à la télévision. Moi aussi, je l'ai vu. Il a traversé tout le pays avant d'arriver à la France. Voilà, donc ça, il était en France, mais il n'avait pas de quoi. Papier. Il n'avait pas de papier. Voilà. Puis maintenant, il a des papiers. Oui, donc il a été reçu par qui? Président. Emmanuel Macron. Oui, et puis alors, qu'est-ce qu'il lui a offert, le président? Des papiers. Oui, il est régularisé. Un diplôme. Ah, c'était un diplôme de quoi? Pompier. Secouriste pompier. Si? Non, il n'a pas le diplôme de secouriste-pompier. Hein. Non, de pompier, il avait dit. Oui, il allait ouvrir un poste pour les pompiers. Il travaillait pour les pompiers. Il est naturalisé français. Hein, il est régularisé. Il a ses papiers. Mais c'est sûr que Mamadou, il aimerait bien être pompier. Et d'ailleurs, ça ferait un bon pompier, apparemment. Hein. Mais pour l'instant, il n'a pas le diplôme des pompiers. Il faut quand même une formation. Hein. Surtout pour rentrer aux pompiers de Paris, c'est pas si simple. Hein. Donc il y a un bel avenir quand même hein, pour Mamadou. Hein? Oui. Et puis alors, qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à ça? Il y a un autre homme là, qui l'avait acheté... Ah bah attends, on a encore un Mamadou là. Qu'est-ce que vous, alors je vous ai demandé, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez vu cet enfant qui était accroché au balcon? Moi, j'aurais appelé les pompiers. Tu aurais appelé les pompiers? Moi, j'aurais... Police? Ah, tu m'as piqué ma question. La réponse. Réponse. J'aurais... T'aurais une idée, toi? Qu'est-ce que t'aurais fait? D'appeler les pompiers. Oui. J'aurais appelé les ambulances. Oui. Ah. Les ambulances? Oui. C'est les pompiers. Ah. Christopher, t'aurais fait quoi, toi? J'aurais grimpé les étages. T'aurais grimpé les étages, toi? T'aurais fait Spider-Man. Ah oui. Moi je l'aurais sauvé, moi. Nathan, vas-y. Moi, j'aurais pris un hélicoptère. Tu peux parler dans le micro, Nathan. Moi, j'aurais pris un hélicoptère à base militaire. Oh oui, il y aurait les pompiers qui auraient venu. Est-ce que tu crois qu'on prend... Un petit garçon. Nathan, est-ce que tu crois qu'on prend un hélicoptère comme ça? Est-ce que tu sais conduire un hélicoptère? Non. Moi, je l'aurais... J'aurais pris une échelle. Je l'aurais redonné à sa maman. Moi, j'aurais pris une échelle. Moi, j'aurais cassé la porte pour arriver chez lui. Pour le sortir. J'aurais cassé la porte. Pour aller, moi, quand j'ai gagné là, pour casser la porte, pour pouvoir, pouvoir le sauver dans la maison. Bon, ce qui est important, c'est qu'il est sauvé. Il n'a pas blessé. Il n'est pas blessé. Et le papa, il est en prison. En garde à vue. Voilà. Oui, il est en garde à vue. Mmh. Ouais. Voilà, donc c'était l'affaire Mamoudou. Mamoudou. Mamoudou. Voilà. Mamoudou. Le roi du héros. Vous voyez, il y a quand même des belles choses aux informations. Hein, Timothée, oui. Hein, il y a des sauveurs aussi. Hein, hein. Mmh. Alors, le sujet suivant, c'était quoi? Un dans homme. Les infos. Un homme. Un vieux homme. Un vieux homme, il est mort. Un vieux homme. Un oui. Vieil homme. Oui, un vieil homme, il est mort. Un petit vieux. Il est mort. Qu'il, était, qu'il a acheté, comment ça s'appelle? Une bombe. Que tu es dans les tanks. Oh, c'est pas une bombe. Un missile. Un épice. Hein? Hein? Hein? Et abus. Un abus. Un abus. Un abus. Ébus. Il a acheté un abus. Un ébus. Un obus. Un obus. Un obus. Et puis là, il l'a acheté au marché. Il a voulu le. Non, c'était pas au marché. Si. Une brocante. À la foire. Au vide-grenier. Et puis après, il a voulu repartir nettoyer. Chez lui. Et il a voulu nettoyer. Puis d'un coup, il a explosé. Puis c'est pour ça qu'il est mort, le vieux homme. Le vieil homme. On peut dire le petit vieux. Alors, est-ce que c'est normal qu'on vende comme ça des armes de guerre, même dans les vide-greniers, d'ailleurs? Non. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Pourquoi? C'est interdit. Si ça explose, on est mort. Bah oui. Toute la France est morte. Pour ça. Il n'avait pas été désamorcé. Il y avait encore toute la poudre et tout dedans. Mm. Hein? Donc ouais. Le monsieur est mort. Oui. Pauvre monsieur. Désolé pour sa famille. Désolé pour sa famille, ben oui. On peut dire, oui. Après, c'était quoi? C'est du vrac. On amène du vrac hein, ce matin. Qui c'est qui a parlé du foot? Moi. Alors, vas-y. Annonce ton sujet. Lundi, j'avais vu un match de foot. Oui, il y avait un match. C'était qui? La France contre, c'est plus... C'est pas... Ah, oh, c'est plus, c'est qui? Ah bah, qui. C'est important de savoir c'est qui, hein. J'avais vu le drapeau, c'était du vert, un peu blanc et rouge derrière. Ah. Ah, elle dit non, Marion. C'est qui alors, Marion? C'était orange, c'est pas rouge, et c'était l'Irlande. Ouais, l'Irlande. Il a marqué 2 buts, la France. La France a marqué 2 buts. Donc 2-0. Oui, qui c'est qui a gagné? La France. Ouais. Donc tu es content? Ah oui. Alors lundi, comme le match n'est encore pas passé, hein, on avait fait lundi après-midi un sondage. C'est quoi un sondage? Je vous avais demandé à votre avis qui c'est qui allait gagner, combien il allait avoir de buts. Oui, Timothée. Vive les bleus, blancs, rouges. Vive la France. C'est qui avait raison? Corinne. Eh ben écoute, là, personne n'avait raison. Camille, elle avait dit 6-3. Bien. Christopher, 4-0. Oui, 4-0. Timothée, 8-3. Nathan, 2-1. Juliana, 5-1. Et Corinne, 2-1. Et Nathan? Et Steven? Steven, il n'était pas là au moment hein, quand on a fait les pronostics. Bah, du coup, était en prison. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Donc, est-ce que tu sais la prochaine fois contre qui ils vont jouer? Je sais pas. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a suivi le match de foot? Oui, moi j'ai regardé. On le regarde toute la nuit. Moi je regarde sur la 2 et la 1. La 21, Steven. On va peut-être demander à Marion, peut-être qu'elle sait. Qui c'est qui va jouer la prochaine fois contre les Français? L'Italie. L'Italie. Oh. Oh, alors l'Italie, ils sont bons? Ouais. Je sais pas. Ils sont bons, elle t'a dit. Oui, oui, Marion, elle dit qu'ils sont bons. Hein. Oh là là. Alors, je prends l'Italie, moi. Les Français. Intérêt de bien. Je sais pas, hein. Ils ont intérêt de bien jouer. Lui, pour l'Italie, il a dit Steven. Moi, pour la France, oui. Oui, Nathan. Moi, j'aime bien l'Italie parce que c'est fort. Parce qu'ils sont forts. Et aussi, moi, j'ai même un maillot d'Italie. J'ai pas compris parce qu'il y a Julien. J'aime bien l'Italie. Oui. Parce qu'ils sont forts. Et aussi. Que vous aussi, j'ai un habit, j'ai un maillot de l'Italie. Ah, c'est pour ça. Alors, ça veut dire que les Français, tu penses qu'ils sont pas très bons? Bah, c'est aussi. Pas les autres pays. Ouais. Sont forts par les autres pays. Est-ce que vous connaissez une équipe qui est forte en foot? Non. Je ne sais pas. Italie. Ah, oh, je ne sais plus c'est qui. Rome. Je ne sais pas. Dans l'équipe de foot. Rome, c'est où ça? C'est en France. Ah, c'est en France. Ah oui. Et Paris, c'est en Italie. Non, ça. Paris, mais c'est Armand. Moi, je suis pour la France. Quand ils vont partir, la France. La France. Ouais, moi aussi, je suis pour la France. Et Timothée, tu connais d'autres équipes de foot à part la France? Les Anglais. Les Anglais. Ils gagnent jamais. Ils sont pas mauvais, les Anglais. Hein. Ils gagnent jamais. Ils gagnent jamais, qui dit Christophe. Ils vont jamais en Coupe du Monde. Ils vont jamais en Coupe du Monde? Bon, tu sais, Marion, tu devrais regarder Marion, là, parce que ça n'a pas l'air d'être trop ça, ce que tu dis, Christophe. Hein. Ouais. Ouais. Et les Allemands, est-ce qu'ils sont bons en foot? Non. Faut toujours battre. Si, hein. Ah oui, ils sont bons, les Allemands. Donc les Français, à mon avis, ils doivent pas trop briller, là, tu sais, parce que avec tout ce qui les attend, là, l'Italie, les Allemands, peut-être. Oh là là, on va se faire voler notre vedette. On va se faire voler la vedette? Ouais. Les Français, c'est des vedettes? Oui. Ouais. Ça va chauffer pour la c'est Coupe du stars, Monde. C'est les stars, les Français, maintenant. C'est des stars. T'as raison, hey, ça va chauffer pour la Coupe du Monde. Ouais. Ils vont tous se balayer, ils vont tous se faire pour mettre un coup de pied. Mais si la France arrive en finale, ça va être la fête en France, hein. Ouais. Ah ouais, les voitures vont venir. Bip bip. Ah ouais, j'ai déjà vu comme la France arrive en finale. Bip oui, bip. Bah oui. Vas-y, Nathan. Pour la France, c'est Gandhi. Allez les bleus. Bah allez oui. Les bleus. Ah, t'as même les drapeaux. Allez les bleus. Allez les bleus. Oui, bah on allez, verra. Les bleus. On verra au moment là, hein, s'ils arrivent en finale, d'accord? On en reparlera. Il y aura même des feux d'artifice. Il y aura des feux d'artifice. Bah écoutez, on verra, hein, d'accord? Alors, on va faire une pause avec la première chanson, la 51. The Mystery. C'est qui? C'était, je sais plus qui. Tu l'as marqué? J'espère que c'est ça. Corinne. How can I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from lies, my heart is no beginner, but still I can lose my temper. Fucking TV. We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away. And never shows us the way. No. But I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Thinks life is water, and love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. Mystery, and I like it. It's only mystery. C'était Arthur Sims. Merci Marion, hein, parce que c'est l'auteur. Donc peut-être que vous, ça vous parle pas trop. Elle n'est pas chanson. Belle. Elle n'est pas belle. Voilà. Elle est vieux. C'est vieux. Oui, c'est vieux. C'est vieux. Eh ben moi j'aime c'est bien. C'est mort. Voilà, Arthur Sims. Eh ben le sujet suivant. J'ai oublié que la coupe de Cannes. C'était quoi? Je me rappelle pas. Après le foot, après Mamoudou, il y avait quoi? Ah, Europa Park, il a brûlé. Ah, le restaurant. Il y avait une info, Europa Park. Le reste, il a brûlé le restaurant. Il y a un restaurant qui a brûlé, oui. Et puis il y a plein de flammes, les pompiers sont. Est-ce que vous êtes déjà allé, vous, à Europa Park? Non, non, non. Non, non, plusieurs fois même. Plusieurs fois. Nathan, t'es déjà allé? Oui, c'est le restaurant en Allemagne qui a brûlé. Non, Nathan, on ne parlait pas de ça. Ce serait bien que tu écoutes. Quoi, je suis déjà... J'ai non, on est passé déjà par allé. On passe en Allemagne. Tu veux bien approcher du micro? Quoi? Approche-toi du micro, Nathan. Bah, je suis voilà, vas-y. Alors, t'es déjà allé? Je sais pas. Je suis allé pour... J'ai vu les manèges. C'était en Allemagne quand je suis passé là-bas. Aller chercher ma soeur. Ah, quand tu es passé, mais tu t'es pas arrêté? Non. Ok. Donc là, qui c'est qui est déjà allé? Pas moi. Steven, c'est toi? Pas moi, oui. Ok. On pourra y aller un jour? Et ça coûte cher. Ça coûte cher? Ça coûte très cher même. Combien ça coûte, Steven? Je sais pas. Non, mais ça coûte cher en tout. 40 euros, je dirais. Déjà, tous les manèges coûtent cher. 40 euros au moins. Ben, c'est cher. Europa Park. C'est cher, hein, Europa Park. Ouais. Moi, j'ai même pas payé en carte. Les enfants, à 13 ans, tu sais... Comment? Qu'est-ce que tu dis? On peut pas payer en carte. Payer en carte? Pourquoi? T'as une carte bleue? Non. C'est un plus grand. Bon, on pourra pas payer en carte. Ah, c'est Christophe. Pour tirer en liquide. Oui. C'est rien qu'on paye en carte. Trois cartes bleues maintenant. Bah, tu peux payer en carte. Je sais pas pourquoi tu pourrais pas payer en carte. Il faut en avoir une. Ou sinon, il y a l'espèce, tu sais. Ils prennent aussi l'espèce. Hein. Les billets, c'est pas un problème. Ah ouais. Alors, comme c'est un autre pays, qu'est-ce qu'il faut pour aller là-bas? La carte d'identité. Passeport. Oui, ça peut être passeport. Et puis, il faut aussi une autorisation... parentale. De sortie de territoire de vos parents. Pourquoi? Parce que vous êtes... Mineur. Mineur. Enfant. Mineur. Voilà. Vous n'avez pas 18 ans. Donc, il faut une autorisation. Sinon, vous ne passez pas à la frontière. Et on retourne en France. Ah bah oui, c'est sûr. Ils ne vont pas te renvoyer en Italie, hein, Christophe. Alors après, on avait parlé du parrainage, parce que la semaine dernière il y avait eu le parrainage. Oui. C'est quoi le parrainage, un rappel? Il y a plein de... c'est un collège de Vanier qui vient. Ah, est-ce qu'ils sont venus là? Non, non, c'est nous, depuis Limoux on est monté jusqu'à Vanier à pied. À pied. À pied, ouais, jusqu'à Vanier à pied. Et nous sommes donc allés rencontrer le collège de Vanier. Vanier. Voilà. Donc, c'était la deuxième rencontre cette année. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les collégiens? On a marché. On a fait le parcours santé, on a pique-niqué, ça, je ne sais pas tapis. Et après, on est parti chacun de l'autre côté. Les collégiens et nous? Bah oui, eux, ils sont retournés à leur collège. Et nous oui. Alors, est-ce qu'on est revenu à l'IME à pied? Non, en voiture. Voiture. Oui, parce qu'on ne pouvait plus, là. Vous ne pouviez plus. Vous en aviez déjà plein les pieds d'avoir fait ça, tamer le collège de Vanier à pied. Ah oui, j'en avais des grosses bosses. Les bosses, t'avais des bosses aux pieds, toi? On a même mal aux pieds. Oui. Et combien de kilomètres pour aller? 100 kilomètres. Non. 5 000 kilomètres. Arrêtez de toujours démesurer les choses. 4 kilomètres. Un peu plus. 5, 6. 5. Oh. C'est bien, Camille. 5 kilomètres. Donc, 5 kilomètres à pied, ça use, ça use. Les pieds. 5 kilomètres pieds, les souliers. Pied, tout. Ça use, les le corps. Alors, vous l'avez tous fait, c'est bien. Même Timothée. 5 kilomètres à pied. Ah. T'en avais un peu marre, Timothée. Hein. Ouais. Ah, ouais. Timothée, il n'en pouvait plus. Hein. Ah, moi, là, moi, ça n'en avait pas marre. Donc, on a fait le parcours santé encore, mais après, on est rentré en véhicule. Ouais. Hein. Après, on a dormi. Oui, ben ça, c'est chez toi. C'est plus à l'IME. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ces journées-là? C'est bien qu'on marche. On peut pique-niquer, on peut jouer avec les gens. Vous avez joué avec les collégiens? Non. On a fait le parcours chanté. Voilà, vous discutez. C'est bien quand même de rencontrer des jeunes de votre âge, hein? Ouais. Vous vous rappelez un peu comment s'appelaient les garçons ou les filles qui étaient avec vous? Moi, il y en a une que je ne me rappelle plus. Moi, il y en a une, elle s'appelait Lou, Louane et Flavie. Lou, Louane et Flavie. Elle était dans ton groupe. Et toi, Camille? Tu étais avec qui? Camille est amnésique? Hein? Camille. Sidonie. Pourtant, tu Lucie. M'as donné... Ah, tu étais avec elle? Oui. Ah, Lucie. Bah, il faut t'aider, alors. Lucie. Léa, Sidonie. Il y en a une autre, Je l'ai déjà dit, hein, Sidonie. Elle l'a dit, c'est vrai. Et il y avait quelqu'un d'autre encore? Juliette. Voilà. Et toi, Corinne? C'est ça? Ouais. Et les autres, est-ce que vous vous rappelez des prénoms des garçons? Moi, j'étais avec Juliana, moi. T'étais avec Juliana, donc c'est les mêmes, Louane, oui. Lou, Flavie. Il n'y avait pas de garçons? Non. Il y avait juste Paul et moi, et Nicolas. Et Nicolas. Trois mecs. Ok. Mmh. Et vous, il n'y avait pas de garçons? Il y avait juste lui, Théo. Oui, mais du collège. Mmh. Non. Et Steven, t'es avec qui, toi? Je sais pas. Je sais pas. T'as vu personne, toi. T'as un équipe, mais je sais pas leur nom. Ouais, et toi, Nathan? J'étais avec trois filles. Tu peux te rapprocher du micro, Nathan? J'étais avec trois filles. Ah. Alors, comment elles s'appelaient, les filles? Mais je les connais pas. Oui, mais t'as pas demandé leur prénom. Si, toi, j'ai demandé beaucoup plus de fois, mais ils m'en rappellent. Après, j'ai oublié leur prénom. Ah, t'as oublié. Ah oui. C'est dommage. Oui, Timothée. Moi, j'ai une copine. Alors, une copine où? Au collège? Non. Où? Bah... Du parrainage. Ah oui, ça, c'est le collège de Vanier. Psst, il peut le dire tout seul. C'est qui? Sidonie. Il n'y avait pas Aglaé, le jour-là? Aglaé. Vous connaissez pas Aglaé et Sidonie? Ah, toujours pas à m'entendre. Oh, c'est des trucs qu'on regardait quand on était petit, mais vous n'avez pas connu. C'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? C'est sûr que c'est pas Albator, Goldorak, les aliens. Non, non, hein, c'est pas Arlinda ça. Vous aviez avec nous dans notre équipe. Vous aviez Arlinda avec moi. Elle était pas là. Mais elle est dans le stage. Spider-Man. Elle avait aussi Paul et Jacques. Jackie. C'est qui, Jacques? Jackie Michel. Jackie Michel. On a vu un quad qui passait et Paul, tout d'un coup, il a dit c'est mon papa. Papa? Non, c'est son papa. Il a dit Christophe, quand même, c'est même pas lui. Ah, c'était pas lui. C'est même pas son papa, Paul. Mm-hmm. Alors, pourquoi tu dis Timothée Jean-Michel? Jackie Michel. Attendez, Jackie Michel. On le laisse parler, s'il vous plaît. Vas-y. Bah, c'est une émission. C'est une émission rigolote. Donc, c'est pour ça que j'appelle Jackie Michel. Est-ce que vous connaissez l'émission Jackie Michel? Non. C'est un film, là. Il devrait même pas connaître. Il devrait pas connaître. Non. Ah, alors moi je connais pas du tout. Ouais, elle connaît, sûr. C'est Axel qui a dit. Ah, c'est Axel qui t'a parlé de l'émission, là. Ouais, ils nous ont parlé. Je connais ça. J'ai déjà vu ça sur la. La 11. 11, j'ai déjà vu ça. Ah, ça passe pas à la télé, non? Si, j'ai déjà vu. Non, non. Si, j'ai déjà vu. C'est un autre nom, mais pas celui-là. Si, c'était celui-là. Non. Bon, si. Christopher, quand tu as tort, tu m'as dit que c'était celui-là. J'ai vu, c'était celui-là. Timothée, est-ce que tu as déjà regardé? Non. Ah, alors de quoi ça cause? Je sais pas. Je sais pas. Bon, je crois que Timothée, il aime bien les prénoms. J'aime Michel, mais je sais pas de quoi ça parle. Ah oui, quand il dit ça, il dit Zaki, il est là. Ouais, Zaki. Et puis Axel, donc, il regarde ça. Et Marion, elle dit faut pas regarder ça. Oui, je crois que Marion, elle a l'air de connaître et elle dit que c'est pas pour vous. Hein. T'as déjà vu Marion? Non. Elle a entendu parler alors. Voilà. Ouais. Bon, bah, on n'en dira pas plus, mais apparemment, c'est pas pour vous. Ça doit peut-être pas être très intéressant. Ah, je cherche un truc pour nous là. C'est quoi un truc porno, Christopher? Les filles là qui dansent là. Ah, c'est les filles qui dansent. Corrie, non, les prostituées, voilà. Qui dansent la salsa. Dans les films porno, c'est des prostituées. Corrie. Je sais pas. Qui dansent la salsa. Faut faire attention à ce qu'on dit à la radio, Christopher. Faut pas donner des mauvaises infos. Hein. Des filles. C'est dit, c'est pas bon à voir, Marion. Des filles qui dansent la salsa. Jacques et Michel. Axel, un coup, il nous l'a dit. Tu peux parler dans le micro Un coup, Axel, il nous l'a dit. Qui regardait ça. Bon, de toute façon, comme on ne sait pas de quoi il en retourne, hein, on va zapper là-dessus. Hein. D'accord? Oui, promis. Ok. Alors, est-ce que vous avez fini avec le parrainage? Oui. Alors, on refait une autre pause, parce qu'il est 38, avec la chanson de Nathan. 56, 4 choux. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer, apprendre quelques pas. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Ma terre sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi, t'es sans gêne. Sans sommation, t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant, je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail et de Panama Becao. T'as les kata kameno kao. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Et de Panama Becao. T'as les kata kameno kao. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Got you. got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Kachou. Voilà, c'était la chanson à qui? À Nathan. Nathan. Ouais. Elle est bien ta chanson, Nathan. Alors, vous disiez en antenne que c'est une chanson pour danser. Oui. D'accord. Bah, est-ce que vous avez écouté les paroles? Ah oui. Ils disent quatre choux, et à part quatre choux, quatre choux, pika, ouais. Non, il dit pas ça. Il dit après, tu rentres dans ta chambre et tu te quartes. Et tu te quoi? Je sais pas, ça veut dire quoi, ça? Tu te quartes? Tu es seul dans ta chambre et tu te quartes. Ça veut dire quoi? Attendez, on écoute Marion. Mais non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire ça. Tu as dit quoi, Marion? Ma soeur, elle le sait. S'il vous plaît. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Twerky. Ça veut dire tu danses ou... Le twerk, oui, c'est une danse un petit peu particulière. Voilà. Ouais. Elle donc, est seule dans sa chambre et elle danse. Ouais. Donc Nathan, c'est ce que tu fais, toi, avec Kachou. Tu danses. Ah oui, après tu t'es obligé par la fenêtre. C'est Nathan. Quoi? Avec la chanson là, est-ce que c'est ce que tu fais dans ta chambre? Tu danses ou pas? Bah non. Je l'ai mis sur ma console, je joue à la console, écoute la musique. Ah et toi tu joues à la console, tu danses pas toi, hein, tu joues à la console, c'est ça? Il joue à la ZTR. Et puis, Kachou, Kono Pikachu, Pokémon. Pika. Tu as un rire très cultivé, hein, Pika. Hein. Pika. Oh, allez, on passe à autre chose, pika. Stop. Christopher. Vas-y, on lève ton gars. Pika. Alors, on repart avec les infos. Il y en avait deux autres que vous n'avez pas dit. Il y a Christopher qui nous a parlé de quoi? D'un animal qui a disparu à très longtemps. Oui, cette année-là. Tu as entendu ça aux infos? Sur la... Voilà, oui, bon, c'est pas peine de dire la chaîne, hein, c'est pas... Alors, l'avion avait disparu. Depuis quand? Depuis 2004, c'est pas ça? 2014. Il a retrouvé des bouts sur une plage, je crois. Une réunion. À la Réunion. Une aile. Ouais. Et alors? Ils savent pas où il est, avion. Ils savent pas. Ils ont eu les recherches. Ils arrêtent les recherches, oui. Le 29 mai, normalement, ça s'arrête. C'est bon, hein, c'est déjà passé le 9 mai. Bah, c'était on est... hier. Ah bah oui, c'était hier, ouais. Ah ouais, ouais. Bah, toi, tu m'as dit que tu avais entendu ça ce matin. Parce que moi, j'ai pas entendu. Non, c'était... j'avais entendu mardi. Ah, c'est des infos de mardi, ok. Donc, on a arrêté les recherches, ils cherchent plus l'avion. Est-ce qu'il y avait du monde dans l'avion? Ah oui, il y avait des Chinois, je crois. Il y a des Chinois? Des Anglais? Des Anglais? Je sais pas, ils ont pas dit qu'est-ce qu'il y avait dedans. Des Chinois? Oh, mais il y avait des gens. Et même la CIA qui est allée sur l'avion, il avait disparu. La CIA, tu sais... La CIA? Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. La CIA, c'est pas pour le vol, les criminels, les touristes. Si, si, c'est pour allemand. Américain, la CIA. C'est ça, hein? Anglais. CIA, c'est un petit peu particulier. Je suis pas sûre que ce soit américain. Moi, c'est pas les services secrets, ça, la CIA? Ben, je regarde. Mais... Le FBI, c'est américain, mais... Oh, c'est peut-être un service. Si, c'est américain. C'est américain? Ouais. Ouais, il y avait des Américains dedans. Et c'est pas les services secrets? C'est une agence de renseignement. Ah, agence de renseignement. Ouh, oui. S'ils ont été là, c'est que c'était suspect, hein, Christopher. Hein. Mais je sais pas si l'avion est tombé dans l'eau. Quoi, tu crois qu'il serait parti où, toi, l'avion? S'il n'est pas dans l'eau, il serait où? D'abord, l'avion, il s'est fait repérer, tu sais, pour le truc de civil, là. Le report de civil, là. Après, c'était les militaires qui avaient détecté l'avion. Oui. Et après, plus de nouvelles. C'est bizarre. Et il s'est volatilisé, quoi. Donc, dans l'eau? Mais non, il croit qu'il a explosé. Tu crois quoi qu'il est parti sur une autre planète? Mais non. Je sais pas. S'il n'est pas tombé dans l'eau, il est quelque part. Oui, mais à ton avis, il pourrait être où? Sur une île? Sur une île? Mais il l'aurait retrouvé, hein. Peut-être dans le triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes. Ah, c'est quoi ça, le triangle des Bermudes? Christophe? C'est un triangle, mais c'est comme un... comme une poubelle. cette poubelle, le triangle des Bermudes. Tout ce qui va dans le dur, vous jamais. Ah oui, oui. C'est oui, c'est vrai que c'est un triangle où il y a beaucoup d'avions qui ont disparu, oui. Ils sont comme aspirés. C'est comme il y a, enfin, apparemment, j'ai entendu ça, que c'est comme un tourbillon. Ils sont aspirés. Ouais, c'est assez particulier. Oui, voilà, oui, oui. Mais c'est intéressant, ouais. Tu devrais t'intéresser un peu plus au triangle des Bermudes. J'irai pas dedans, moi. Bah non. Oui, on Nathan. Pas dedans, moi. Si, quand tu craches un avion, t'es dans l'eau, tu tombes dans les pommes. Et si juste t'en vas dans une plage, juste à la soirée. Vous avez déjà pris l'avion? Un gros avion? Ah non. Pas moi. Personne. Jamais de la vie, moi. Personne, ok. J'ai la même chose quelque part. Bon, bah voilà. Hein, c'est un... Moi, je suis pas allé pas parce que j'ai trop peur de hauteur, alors. Ah, t'as peur de la hauteur? Pas moi. Moi, je risque de vomir. Le bac. Donc, bah, merci pour l'info, hein, Christopher. C'est un Boeing 777 de la compagnie Kuala Lumpur. Ah oui, voilà. Qu'il a disparu. Bah, on espère qu'ils le retrouveront. Hein. Ils ont raté les recherches, je te rappelle. Bah, oui. Mais peut-être que ça va être relancé à un moment donné. Ouais, ça coûte cher, les recherches. Parce que s'il y avait beaucoup de monde, hein, il y avait presque 300 personnes dans l'avion, il y a peut-être des familles qui vont relancer le truc, ou je sais pas. Mais s'il est perdu dans l'eau, il est foutu. 300 personnes, c'est à peu près... C'est beaucoup, hein. Mmh. Et les personnes aussi sont disparues? Oui. Ah bah oui, elles sont tombées avec l'avion, hein. L'avion, il a dû couler quelque part, je sais pas. Ah bah, on peut émettre plein d'hypothèses, hein. Après... Ils ont dit missile... Ah, il aurait pu se faire torpiller. Oui. S'il passait en dessous d'une base militaire. Un accident. Dans les airs, quand même. Si les militaires, ils tirent pas sur tout ce qu'ils voient, les militaires. D'abord, ils contactent l'avion, ils demandent c'est qui. Oui, mais ça peut être une erreur humaine, tu sais. Ça arrive, les erreurs. Tu sois trompé, qu'ils aient cru que c'était... un avion terroriste. Un ennemi, alors que c'était pas un ennemi. C'est bizarre qu'on ait retrouvé un bout d'aile. L'avion. Oui, donc ça veut dire quoi si on a retrouvé un bout d'aile? Ça veut dire que c'est peut-être. Il va peut-être le retrouver. Ça veut dire qu'il n'est pas bien tranquillement sur une île. Hein. Ça veut dire qu'il est plutôt dans l'eau. Hein. Mais s'il était dans l'eau, on aurait vu des débris voler dans l'eau. Bah, écoute, hein, c'est on serait obligé de nager dans l'eau pour c'est voir s'il est bien dans l'eau, on ne sait pas encore. Peut-être pas sur une île. Ou... Les gens, ils sont morts. Oui. Oh, oui, il y a des grandes chances. Hein. Je sais pas, ils n'ont pas été dans le triangle des Bermudes. Bon, écoute, on verra. Hein, si on entend à nouveau parler de cette histoire-là. Et le sujet après, c'était quoi? Il y avait eu quoi à Liège? Un attentat terroriste. Et alors? Il a tué deux flics avec un couteau. De quoi? Deux gendarmes. Ouais. Il a tué une personne. Elle fait trois victimes. Oui. Et après, les gendarmes l'ont tué dans une école, un collège. C'est triste, hein, quand même, tout ça. Ah oui. Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous entendez ça? Mal au cœur. Ah oui. Ah oui. Très mal au cœur, ça même. Te fait très mal au cœur. Bon, allez, on va faire la dernière pause, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de tout passer, avec celle de Timothée. C'était qui, Timothée? Tombé du ciel, non? C'était lent ou rapide? C'était du rock ou de la musette? Du rock. Eh ben, allez, on écoute celle de Timothée. Nirvana. Love your punk guns, bring your friends, come. la chanson de Timothée. Alors, Timothée, est-ce que tu veux faire une dédicace? Oui. Alors, à qui? À maman. À ta maman. Ta maman, elle connaît la chanson? Oui. Oui. Tu l'écoutes chez toi, des fois, alors? Non, je l'écoute dans ma dans la voiture de maman. Ah. Maman, ouais, elle est rock, hein? Elle est rock. Papa aussi, il est rock. Ouais. Ah. Regarde, ça fait un truc. Non, pas papa. Papa, il aime pas le rock. C'est rigolo. Ah. Et toi, tu es comment, le rock ou vous êtes... Attends, j'essaie de refaire un truc. Pop ou je sais pas, moi. Rock. Rock, hein, Timothée est rock, tout comme maman. Hein. Voilà, et ben écoutez, nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Timothée. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Timothée réfléchit. Christopher. Non. Steven, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. C'est bien. Et Nathan? Oui, c'est monté, il doit enlever son casque. Non, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Timothée? Oui. Que j'ai passé un merveilleux après-midi avec vous. Matinée? Matinée. Ça c'est très gentil, hein. Et puis on va remercier Marion de nous avoir accompagnés ce matin doucement dans les micros. Merci Marion. Merci Marion. Et on souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne Marion. Au revoir, à la semaine prochaine. C'était bien du temps. Au revoir. Au revoir. Salut. Bye.